d'espoir et d'illusion. Ils ont brisé mes rêves. Je me suis brûlé les ailes en voulant toucher l'horizon. Nourri d'espoir et d'illusion. La vie a brisé. Je suis un jeune Marocain sur le port de Tanger. Je voudrais voir ma vie changer, que ma femme puisse manger. L'Espagne à 30 minutes ne veut plus d'étrangers. Sous ce camion caché, je prie car conscient du danger. Je suis ce jeune malien, la pauvreté m'a harcelé. J'espère pouvoir passer les barbelés sans m'écorcher. Sur une centaine, seuls deux ou trois pourront passer. Du taf pour les douaniers, à vos marques, bref, partez. Je suis ce Somalien, sur un radeau détérioré. Direction les îles Canaries pour un avenir doré. La mer est agitée, j'ai peur de finir noyé. Le prix de la liberté pour un passeur, c'est illoyer. Je suis un Algérien qui rêve de papier français. Dans un conteneur sous une chaleur de 40 degrés. Du mal à respirer, j'essaie de pas y penser. Inch'Allah, si j'arrive à Marseille, j'aurai fini d'en chier. Je me suis brûlé les ailes en voulant toucher l'horizon. Nourri d'espoir et d'illusion, ils ont brisé mes rêves. Je me suis brûlé les ailes en voulant toucher l'horizon. Nourri d'espoir et d'illusion. Je suis un enfant tutsi, j'ai l'occasion de fuir la guerre. Orphelin, je ne reverrai plus le sourire de ma mère. Blessé, récupéré par les humanitaires. Victime vu que l'homme est le plus dangereux des mammifères. Je suis mauritanien, je laisse une femme et des enfants. La traversée du Sahara fut pénible et sanglante. Poissard, mon destin ne relève que du hasard. J'espère au moins atteindre le détroit de Gibraltar. Je suis un Irakien, en plein hiver, je suis en sandales. J'ai faim, j'ai froid, je dors sous un pont avec de trois semblables. J'ai voulu fuir les attentats, chaque fois j'en bave. SDF depuis la fermeture du camp de Sangatte. Je suis un jeune cubain, je m'en bats les couilles de Fidel Castro. Sportif de haut niveau, c'est la merde. Sous l'embargo, je me ferai la belle avant de disputer mon match à Miami. Le cœur serré, je ne verrai plus ma famille, mes amis. Je me suis brûlé les ailes en voulant toucher l'horizon. Nourri d'espoir et d'illusion, ils ont brisé mes rêves. Je me suis brûlé les ailes en voulant toucher l'horizon. Nourri d'espoir et d'illusion. La vie a brisé. Je suis ce jeune français, j'observe le monde et je le décris. Je vois que des gens qui veulent fuir la misère, gagner leur vie. L'état durcit, la politique d'immigration. 25 000 expulsés à la recherche d'intégration. À la recherche d'une nouvelle vie. Comme si traverser une frontière était un crime. Laissez-nous libres, laissez-nous fuir. Yeah, yeah, yeah, yeah. Je me suis brûlé les ailes en voulant toucher l'horizon. Nourri d'espoir et d'illusion, ils ont brisé mes rêves. Je me suis brûlé les ailes en voulant toucher l'horizon. Nourri d'espoir et d'illusion, la vie a brisé mes rêves. La vie a brisé mes rêves. La vie a brisé mes rêves.